Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, vous êtes sur Radio Campus et vous faites bien puisque c'est l'émission Angle d'attaque, une émission proposée par Attaque Métropole. Attaque de TAC. A2TAC, pardon, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Pour information, cette émission a été réalisée en visioconférence à Sbarak, comme on dit à Radio Campus, le lundi 16 novembre. Avec pour animateur Didier d'Attaque Roubaix-Tourcoing et pour Attaque Lille, Christian, Florent, notre maître du temps, et moi-même René. De quoi parlons-nous cette fois ? De démocratie locale. Les maires ont-ils encore ce rôle d'élus de proximité ? Les intercommunalités n'ont-elles pas brouillé les repères des électeurs et des électrices ? La fameuse démocratie participative dont se gargarisent nombre d'élus répond-elle réellement aux attentes des citoyens ? Les référendums locaux d'initiative citoyenne offrent-ils une possibilité de renouveau démocratique ? Autant de questions que nous aborderons avec notre invité Rémi Lefebvre. Rémi Lefebvre est politiste. Il enseigne à l'Université de Lille 3 et à l'Institut d'études politiques de Lille. Il est spécialiste du pouvoir local et des mobilisations électorales et auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier paru en 2020 à la Documentation française s'intitulait « Municipal, quels enjeux démocratiques ?» Rémi Lefebvre, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Donc voici la première question. C'est moi qui la pose alors. Dans ton livre, Rémi, donc, et puis dans un article sur Mediapart de janvier 2020, tu remets en cause sérieusement cette phrase devenue mille fois entendue pendant la période électorale, « Le maire est l'élu préféré des Français ». Et toi, tu parles d'élections en trompe-l'œil à propos des élections municipales. Alors, bonjour à tous, bonsoir. Je remets en cause la légitimité des maires. Alors, que les maires soient la figure préférée des Français, ça c'est assez vrai au regard de l'opinion publique, mais ça n'en fait pas forcément des élus de proximité comme on nous le présente très souvent de manière quasiment convenue, hein, c'est-à-dire qu'en permanence, les maires mettent en avant leur légitimité comme si elle allait de soi, en fait. Comme si, au fond, le fait d'être maire en soi donnait une légitimité qui est de plus en plus problématique. Hein, moi, je travaille sur le pouvoir local depuis maintenant une quinzaine d'années. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que l'échelon local n'échappe pas du tout au discrédit qui pèse aujourd'hui sur la politique. Et ce qu'on observe, c'est que les maires, même s'ils bénéficient encore d'un certain capital de confiance qui est lié principalement au fait que ce ne sont pour la plupart pas des professionnels de la politique. C'est-à-dire que globalement, les indemnités de maires sont assez modestes, la charge est quand même assez lourde, et donc globalement, les maires, sauf peut-être les maires des grandes villes, aujourd'hui, hein, il y a 35 000 communes, il y a 32 000 petites communes, hein, donc en fait, hein, si on retire les villes importantes, eh bien très très vite, on a quasiment 500 000 élus locaux avec les conseils municipaux qui sont en fait des amateurs, qui sont simplement élus par engagement. Eh bien, la légitimité des maires recule. Alors, je donnerai qu'un chiffre, moi, qui m'a toujours beaucoup frappé. enfin, qui m'a frappé ces dernières années. En 2018, l'Association des maires de France, qui est en fait une association très puissante qui défend les maires, a fait un sondage en fait sur une enquête par questionnaire assez poussé. Et ce que démontre en fait cette enquête, c'est que il y a seulement un Français sur deux qui connaît le nom de son maire. En fait, et ça, c'est très frappant. Hein. Bon, pour donner une idée, c'était 80% des Français qui connaissaient le nom de leur maire dans les années 80. Donc aujourd'hui, il y a un Français sur deux qui connaît le nom de son maire. Donc ça vient totalement à rebours du discours des maires selon lesquels tout le monde qui serait connu de tous, qui serait en prise en fait avec le terrain, quand on ne connaît pas pour la moitié d'entre eux. Des Français, le nom de son maire, a fortiori, évidemment, on n'a pas des contacts avec lui, on n'identifie pas. Voilà. Bon, et donc, pour répondre à ta deuxième question sur le trompe-l'œil, effectivement, en fait, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'en fait, la démocratie au niveau local connaît des problématiques assez similaires à celles qu'on observe au niveau national. C'est-à-dire que globalement, il y a une défiance de plus en plus grande vis-à-vis des élus, il y a une forme de dépolitisation, il y a aussi, et là il y a un parallèle très éclairant à faire avec la construction européenne, de même qu'au niveau national, les décisions sont de plus en plus prises au niveau européen, eh bien au niveau communal, les décisions sont de plus en plus prises à l'échelle intercommunale, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le territoire de l'élection et le territoire de la décision. Bon, voilà. Et donc, on observe aussi, et alors je ne sais pas si on va évoquer après, j'imagine, le contexte sanitaire tout à fait particulier, mais là, on a eu une abstention absolument record aux dernières élections municipales, hein, 60% d'abstention, mais on observe depuis maintenant une vingtaine d'années une abstention de plus en plus forte aux élections locales. C'est-à-dire que, et donc ça remet en cause l'idée de démocratie de proximité dont effectivement les maires se gargarisent de manière constante, c'est que de plus en plus de citoyens ne votent pas aux élections municipales parce qu'ils jugent que, alors pour plusieurs raisons, parce qu'ils jugent que c'est pas important ou parce qu'ils ne se retrouvent pas en fait dans cette démocratie locale. Alors, justement, c'est nous semblait, tu as parlé de contexte sanitaire, est-ce que le contexte sanitaire n'est pas favorable à un retour de la fonction mayorale ou est-ce que les gens se disent, après tout, le maire c'est quand même le plus proche finalement, mais j'entends bien qu'il s'agit de la taille des communes qui est en jeu aussi. Alors, j'ai pas bien écouté, ça a coupé. Donc, en fait, est-ce que le contexte sanitaire ne fait pas, en fait, du maire redonne pas une légitimité, c'est bien ça ? Oui, ouais, c'est ça, oui. Alors, c'est compliqué parce que ça pourrait lui donner une nouvelle légitimité parce qu'il est en prise avec le terrain, mais il ne vous aura pas échappé que la gestion de la crise sanitaire que l'on connaît en France, à la différence, par exemple, d'autres pays européens comme l'Allemagne, est particulièrement centralisé, hein, en effet, et particulièrement vertical. Hein, le président de la République décide de tout. On attend ses allocutions comme si en fait c'était Dieu sur terre que la décision allait tomber. Donc en fait, le parti pris qu'a eu le gouvernement, peut-être un peu moins à l'issue du premier confinement. Hein. Le déconfinement s'est beaucoup appuyé quand même sur les collectivités locales, mais globalement, la gestion de la crise s'est faite de manière très, très centralisée, verticale, et on voit les maires finalement, alors les maires ont un rôle, hein. Ils ont joué un rôle dans l'action sociale, dans le soutien aux populations les plus défavorisées. Mais là, concrètement, regardez ce qui se passe. On est dans une situation donc, de reconfinement. On a vu les maires en fait, qui ont protesté, et beaucoup de maires de grandes villes, pour protester que les commerces de proximité soient réouverts, parce qu'ils voient très très bien aussi, hein, ça c'est assez intéressant, ils voient bien les conséquences qui vont être énormes sur les communes. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un énorme problème de vacances commerciales dans les centres-villes. Les maires savent que très bien que s'il y a énormément de commerces qui ferment dans cette crise, ils ne se relèveront pas et les problèmes de vacances commerciales que connaissent les centres-villes seront encore plus dramatiques. Voilà. Donc, on pourrait penser effectivement que les maires regagnent en pouvoir, et ce n'est pas vraiment le cas, parce que justement, cette gestion est très centralisée en France. Oui. Aussi, est-ce que, sur un plan sociologique, est-ce que les maires ne sont pas de moins en moins représentatifs de la population ? Très bonne question. Alors, donc ça, c'est aussi effectivement un élément très important, donc, qui fait l'objet d'un chapitre dans mon dernier ouvrage. Ce qu'on observe, c'est que, effectivement, sociologiquement, les maires en France sont de moins en moins à l'image de la population. Ce qui était traditionnellement le cas, puisque c'est vrai qu'à la différence des parlementaires ou des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, les maires étaient à l'image de leur population. Plutôt à l'image de leur population, même si, bon, attention, il ne faut pas fantasmer, la politique municipale a toujours été une politique notabilière. Hein. Les maires étaient souvent des notables, c'est-à-dire des agriculteurs ou des professions libérales ou des entrepreneurs ou des médecins. Bon, il y a quand même une surreprésentation des professions libérales dans le pouvoir local, mais on observait quand même une certaine diversité sociologique dans le personnel politique municipal. Or, qu'est-ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années, et on l'a encore vu aux dernières élections municipales, on a d'abord, alors ça c'est très inquiétant, un vieillissement des maires, c'est-à-dire que les maires sont de plus en plus âgés. Alors ça c'est notamment lié au fait que, concrètement, comme les indemnités sont faibles, c'est très difficile de concilier l'activité de maire avec une activité salariée. Et donc, du coup, il y a de plus en plus, seuls les retraités, en fait, sont en mesure de dégager du temps alors qu'ils ont des revenus de leur retraite pour se consacrer aux fonctions politiques municipales. Et puis, on a un autre phénomène très inquiétant, je trouve, c'est qu'il y a une forme d'embourgeoisement sociologique des maires. C'est-à-dire qu'on trouve de plus en plus des maires, de cadres supérieurs, cadres diplômés. Alors bon, c'est bien parce que ça amène de la technicité, mais il y a de moins en moins de représentation des milieux populaires. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'ouvriers qui sont maires, il y a de moins en moins de populations, d'employés, etc. Et donc, en fait, on a ce que j'appelle une technicisation du métier de maire. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle en sociologie un éthos de la compétence qui se substitue à l'éthos du dévouement. C'est-à-dire qu'avant, on était maire, qu'on était dévoué parce qu'on s'engageait pour la collectivité. Maintenant, maire, ça devient une activité technique. Alors, c'est lié aussi au fait que les politiques publiques locales sont devenues plus complexes avec la décentralisation, la territorialisation. Et donc, on a en fait un phénomène de technocratisation, en fait, de la vie politique locale qui est très préoccupant. Hein. Et on a aussi un autre phénomène qu'on a aussi vu aux dernières élections municipales, c'est que pour être maire, deviennent maires de plus en plus des collaborateurs d'élus, des assistants d'élus, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà dans le giron politique, en fait, et qui font carrière dans la politique en commençant par le niveau local. Hein. On le voit, par exemple, hein, pour prendre deux exemples de deux nouveaux maires, hein, Mathieu Hanotin à Saint-Denis ou Mathieu Klein à Nancy, ce sont des profils de professionnels de la politique, de gens qui étaient assistants d'élus, etc., et qui sont devenus maires après avoir accumulé toute une série de compétences technocratiques. Et donc, on a effectivement moins de diversité sociale. On voit le même phénomène au niveau des adjoints. C'est-à-dire qu'en fait, on a des adjoints, des conseillers municipaux, qui sont de plus en plus choisis par rapport à leur capital social, leur capital d'expertise, leur capital scolaire. Et donc, on a de moins en moins de diversité. Et du coup, effectivement, il ne faut pas s'étonner que les populations les plus défavorisées, issues des quartiers, s'identifient moins, en fait, à un personnel politique qui est plus éloigné d'eux, en fait, socialement. Oui, alors, effectivement, tu as parlé de territorialisation, et on retrouve les mêmes dans les intercommunalités, avec les mêmes fonctions et puis un pouvoir accru, si on en croit ce que disait ce qu'on a écrit, et puis tu as pas dit le contraire d'ailleurs, Fabien Desage sur la confiscation de la politique. Ouais. Est-ce que je sais pas s'il faut appeler la stratégie, mais la volonté de Macron de territorialiser, tu as utilisé le mot, change quelque chose aujourd'hui ou pas? Territorialiser, c'est-à-dire? Parce qu'il s'appuie sur son ministère là, de la cohésion des territoires et de relations avec les intercommunalités, avec les collectivités territoriales. Mais vient aussi se greffer là-dessus, d'ailleurs, le plan de relance avec 30% à partie territoire. Est-ce que l'idée de décentralisation, de déconcentration et surtout ce que défend Macron de différenciation des territoires peut changer la donne? Alors, bon, il faut peut-être, avant de répondre à ta question, je vais faire un petit détour. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron n'a rien à voir avec le cursus honorum classique qui permettait d'accéder à la présidence de la République. Pour le dire d'une autre manière, il n'a pas du tout la culture de l'élu local, Emmanuel Macron. C'est un technocrate qui, il faut le rappeler, n'a jamais été élu avant de devenir président de la République. Hein. Il faut quand même rappeler que tous les présidents de la République qui lui ont succédé, qui l'ont précédé, ont été maires. Hein. François Hollande a été maire de Tulle, Nicolas Sarkozy a été maire de Neuilly, Jacques Chirac a été maire de Paris, François Mitterrand a été maire de Château-Chinon, je crois, Giscard d'Estaing. Bon, il y avait guère que De Gaulle, sous la Ve République, qui était un militaire qui n'avait jamais été maire. Et donc, Emmanuel Macron n'a pas du tout cet esprit en fait, des professionnels de la politique en France, c'est l'ancrage local, hein, l'ancrage local, parfois qui tend vers le clientélisme. Et donc, il lui a manqué beaucoup de cette culture. Et d'ailleurs, il n'a pas caché son mépris à l'égard des élus locaux, hein, qui sont, je vais le dire un petit peu de manière cavalière, mais qui considèrent un peu comme des ploucs, en fait. Hein, c'est-à-dire des notables un peu gestionnaires, c'est-à-dire qui prend un peu de haut. Et c'est vrai qu'autour de lui, hein, toute la génération macroniste, il y a beaucoup, ils sont beaucoup sur le même profil. Hein, bon, sauf par exemple Édouard Philippe, maire du Havre, Gérald Darmanin, maire de Tourcoing, etc. Mais Macron, il a une culture qui est très jacobine en fait, très jacobine, très technocratique, très centralisatrice. Et ça, il l'a payé, hein, souvenez-vous, au moment des Gilets jaunes. Au moment des Gilets jaunes, on lui a beaucoup reproché de ne rien comprendre à la France, de rien comprendre au territoire, de ne pas prendre des territoriales, etc. etc. Et en termes de communication, parce que c'est essentiellement de la communication, souvenez-vous, il a renoué avec les maires au moment des Gilets jaunes. On l'avait vu et au moment du débat public, hein, qui a suivi, qui était une stratégie de gestion de crise des Gilets jaunes, on l'a vu dans les salles de sport, parler avec des maires pendant des heures, etc. Donc, il a en fait essayé de renouer, en fait, il a essayé de renouer avec le terrain et les maires à cette occasion, hein, même si, globalement, c'était essentiellement de la communication. Alors, pour revenir à ce que tu disais, et c'est important de le comprendre comme ça, sur la réforme territoriale, alors, faut d'abord bien comprendre qu'Emmanuel Macron... aujourd'hui, il peut pas. Il est trop faible par rapport aux élus locaux pour pouvoir prendre le risque de trop les bousculer. Hein. En plus, il y a eu quand même beaucoup de réformes territoriales ces dernières années. Bon, souvenez-vous quand même. D'ailleurs, d'un point de vue démocratique, c'était absolument un scandale. La fusion des régions sous Hollande. Hein, on est passé de 22 à 13 régions. La fusion des intercommunalités avec les lois NOTRe. On a créé des énormes intercommunalités. Et en plus, la fusion, le regroupement des cantons. Donc, Emmanuel Macron a plutôt l'idée qu'il n'a pas un énorme bilan en termes de réforme territoriale. Il préfère le statu quo. Et alors là, effectivement, donc là, je réponds plus directement à ta question sur la différenciation. Sur la différenciation... Effectivement, il veut donner en fait le droit à l'expérimentation aux collectivités locales, et ça c'est un énorme risque. Bon, c'est assez conforme à sa politique libérale. C'est l'idée qu'en fait il y a une espèce de concurrence entre les territoires, et que du coup cette différenciation, elle profite beaucoup aux collectivités territoriales les plus riches, en fait, qui pourront tirer parti de cette situation, et beaucoup moins les collectivités plus pauvres. Voilà. Donc le risque un petit peu. C'est qu'on a une espèce de logique territoriale à plusieurs vitesses et que Emmanuel Macron, bon, c'est un petit peu son modèle. Alors peut-être pour repréciser un peu les choses pour nos auditeurs, parce que l'intercommunalité, en fait, c'est une question à la fois très technique et très politique, en fait. Hein, c'est-à-dire, on présente cette question comme une question, oui, de technique, mais bon, oui, effectivement, c'est compliqué, c'est technique, mais derrière le technique, il y a beaucoup de politique, en fait. Et il y a une stratégie aussi de dépolitisation dont il faut parler. Alors, c'est quoi l'intercommunalité ? Hein, vous savez qu'en France, en fait, il y a trois types de collectivités locales. Donc, il y a les communes, les départements, les régions. Mais il y a une quatrième échelle qui n'est pas une collectivité locale à part entière, mais qui est extrêmement importante, qui est donc les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI. Donc aujourd'hui, il y en a quatre types. Il y a les métropoles, donc qui sont les plus grosses, les communautés urbaines, dans la région, il y a par exemple Dunkerque ou Arras, les communautés d'agglomération en milieu semi-urbain et en milieu rural, les communautés de communes. Et donc ces intercommunalités ont pris de plus en plus de pouvoir depuis la loi Chevènement de 1999. Donc aujourd'hui, au départ, ces intercommunalités, elles avaient pour fonction de s'occuper des tâches que ne pouvaient pas réaliser individuellement les communes, donc à savoir les poubelles, les transports collectifs, toutes les compétences économiques des communes. C'est-à-dire qu'en fait, les communes ont perdu énormément de leur pouvoir, elles n'ont plus de politique économique, en fait, les communes. Et en fait, tous les pouvoirs de voirie, d'eau, d'économie, mais même de culture, ont été transférés à des intercommunalités, et en plus des intercommunalités de plus en plus grandes. Or, en fait, ce qui se passe dans ces intercommunalités, alors ça a été très bien montré par Fabien Desage, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est qu'elles ne sont pas démocratiques. C'est-à-dire que ces intercommunalités ne sont pas élues directement par les citoyens. Hein. Lorsque vous avez voté aux dernières élections municipales, peut-être que vous vous en êtes même pas rendu compte, mais sur votre bulletin, dans un coin, il y avait la liste des élus municipaux qui iraient siéger au conseil communautaire en fonction qui siégeront en fonction du vote obtenu sur la liste. Et donc en fait on ne vote pas, alors on vote sur le bulletin, mais il n'y a pas de débat autour de l'intercommunalité. Lors des dernières élections municipales, par exemple, Martine Aubry n'a rien dit sur l'intercommunalité. Les seuls qui ont politisé un petit peu la question à Lille, ça a été la France Insoumise et les Verts. Sinon, on n'en parle pas. Et donc, on se fout un petit peu de la tête, si je puis dire, des électeurs, puisque les grandes décisions sont prises à l'échelle intercommunale. Donc, par exemple, la gratuité des transports, l'eau, tout ça, c'est des questions qui pourraient se gérer de manière plus progressiste au niveau intercommunal. Et il n'y a pas de débat. Et donc, du coup, les décisions, elles sont prises comment ? Elles sont prises par des logiques, en fait, de tractation entre municipalités, entre élus municipaux, au niveau des intercommunalités. Donc, et en plus, l'autre problème que posent les intercommunalités, alors qui est tout à fait criant à Lille, c'est le fait que les petites communes sont surreprésentées dans la répartition des sièges. Et donc, on est dans une situation où actuellement, le président Castelin est un maire d'une toute petite commune et il a été élu grâce en fait au lobbying en fait des maires des petites communes. Voilà. Donc il y a un vrai scandale démocratique intercommunal, et de ce point de vue-là, Macron n'y change rien du tout. C'est-à-dire que Macron n'a pas du tout laissé entendre qu'il y aurait un changement du mode de scrutin des élus intercommunaux dans les années qui viennent. Oui, en effet, tu le dis très bien dans ton bouquin, la décentralisation n'a pas amené la démocratie du tout, en fait. C'est quand même la marque. Intervenir un mot quand même, je pense que c'est pas négligeable. Pour intervenir localement, Mediacité a proposé 25 propositions qui semblaient quand même intéressantes, ouais. Dont la première justement, c'est une élection au suffrage universel de la MEL. Et il a rajouté ensuite, Mediacité a rajouté ensuite pour un gouvernement démocratique de la MEL. Qu'est-ce que ça veut dire, ce type d'intervention ? Ça veut dire qu'il y a vraiment un manque, quelque part, de démocratie, qu'il faut remettre les choses un peu au point, non ? Faire intervenir les citoyens, en tout cas. Bah, moi, j'ai signé évidemment cet appel que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui malheureusement n'a pas été très. Les candidats ne sont pas vraiment appropriés ces propositions. Hein, donc, il y a moyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plein de propositions sur la transparence au niveau local, sur le cumul des mandats dans le temps, sur la transparence aussi de. Par exemple, des subventions pour éviter le clientélisme, et puis donc effectivement l'élection directe de l'intercommunalité. Mais donc ça veut dire que on peut démocratiser le niveau local, hein, c'est pas du tout une fatalité. Et donc effectivement, la première chose qu'il faudrait faire, c'est alors c'est pas simplement la MEL. Hein, le problème, c'est qu'il faudrait que ça soit au niveau national, hein, parce que la MEL peut pas décider localement. C'est pas possible que la MEL change les règles du jeu. Uniquement à Lille, hein, faut qu'elles changent au niveau national. Et donc, par exemple, moi, ce que je propose, et ce que proposait aussi cet appel de Médiacité, c'est qu'au moment des élections municipales, on vote deux fois, en fait. Hein, on vote deux fois, c'est-à-dire qu'on vote une fois pour les élections municipales et on vote pour une deuxième liste au niveau intercommunal avec un vrai programme, des programmes qui s'opposent les uns aux autres. Et là, en fait, le citoyen aurait la possibilité de voter directement au président. Ça a oui. Une conséquence, hein, ça serait une révolution. C'est pour ça que ça serait une révolution, parce que du coup, il faudrait que les maires, les partis politiques se mettent d'accord pour répartir toutes les villes sur la liste, pour se mettre d'accord sur un programme et pas simplement faire des tractations après les élections municipales. Et donc, ça serait une révolution, mais aujourd'hui, c'est la seule solution démocratique. Sinon, ce n'est pas démocratique. Didier, effectivement, intervient sur le référendum local d'initiative citoyenne. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, à Roubaix, en nous fondant, en nous basant sur une politique de quartier, et en défendant l'idée de la gratuité des transports publics à Roubaix. Ouais. Ce qui est un peu provocateur, on est bien d'accord. On ne répète régulièrement que c'est la MEL qui décide, ouais. Mais on estime qu'on se heurte de toute façon au mur de la MEL et que ce n'est même pas la peine d'essayer de franchir la MEL. Donc on a pensé qu'une commune pouvait jouer un rôle l'idée, c'est de faire intervenir la question des transports au conseil municipal de Roubaix. En gros, c'est ça. Donc, un référendum local d'initiative citoyenne, c'est ce qu'on réclame dans une pétition, en fait. Alors, bon, effectivement, ça ne serait pas légal. Donc ça, je ne vais pas vous raconter le contraire. Après, et effectivement, aujourd'hui, il y a une nouvelle problématique démocratique qui a saisi le niveau local. C'est en fait l'idée qu'on pourrait, donc là c'est un petit peu l'effet RIC gilet jaune, mouvement des gilets jaunes, c'est que les gilets jaunes ont remis à l'agenda politique la question du référendum d'initiative citoyenne, hein, le fameux RIC, et aux dernières élections municipales, il y a eu des déclinaisons locales du RIC, donc avec l'idée qu'on pourrait diffuser cette technique au niveau local. Alors, du point de vue légal, pour l'instant, ce n'est pas légal. Donc, en fait, ce n'est pas légal d'avoir un référendum d'initiative citoyenne, qui soit décisionnel, qui rentre dans le cadre du droit. Mais rien n'empêche un élu... Oh, c'est pas vrai. Donc là, aujourd'hui, les référendums locaux sont acceptés. Sur la base, en fait, je ne sais pas, par exemple, de pétitions qui pourraient venir de la population et de s'engager à prendre la décision qui a été décrétée par le référendum. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu hypocrite ou c'est un petit peu facile que des maires disent que ce n'est pas possible de le faire au niveau local. Ils pourraient s'engager à le faire selon une logique locale et ensuite s'engager à respecter cette décision. Alors, après, sur la gratuité des transports, effectivement, on pourrait dire que c'est la MEL qui va prendre la décision, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant que des communes pour mettre la pression sur la Lamel, utilise en fait le référendum comme un outil en fait de voilà de délibération de la population locale et un outil pour construire un rapport de force. Donc ça, on peut tout à fait l'envisager. Ah bah c'est bien notre problématique, hein. On est bien sur cette idée-là, quoi. René ? Non ? Oui. Oui, tout à fait. On aborde peut-être la question locale ? Oui. Oui, on aborde la question locale. Oui. Alors, l'investiture du président donc de Lamel a été contestée pour la première fois par la candidature à la présidence de deux conseillers. Que pensez-vous de cette fronde ? Est-ce qu'on voit un début d'opposition au sein de Lamel ou... Bah, bon, d'abord, attention, c'est pas la première fois, hein. Il y a déjà eu des candidatures. Il y a déjà eu des candidatures, mais en fait, ce qui se passait d'habitude, c'était qu'ils se mettaient d'accord, en fait, ils se mettaient d'accord entre eux. Hein, et donc, il y avait ce qu'on appelait le consensus, hein, qui faisait, par exemple, que Marc-Philippe Daubresse a été le premier vice-président de Pierre Mauroy lorsqu'il était maire de Lille. Hein, Pierre Mauroy, qui est devenu président de la communauté urbaine en 1989, il a développé l'idée qu'il fallait un consensus intercommunal, hein, que tous les maires se mettent d'accord. Hein, donc, ce qui d'ailleurs, ils se mettent d'accord, mais en monnayant en fait, leur soutien au président, hein, pour avoir des choses dans leur commune. Bon. Alors, ce consensus, il est toujours en place. Hein. Martine Aubry l'a reproduit, même si elle a été quand même plus conflictuelle avec les maires de droite. Et puis, donc, Castelin, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Castelin, il représente les petits maires. Et donc, comme on ne peut pas gagner sans ce groupe des petits maires, il a négocié le fait d'être président la dernière fois, puisqu'en 2014, ni la droite ni la gauche n'étaient suffisamment fortes pour prendre la présidence. Bon, alors Castelin, il est aujourd'hui mis en cause du point de vue judiciaire. Hein. Donc, il a été, je crois, mis en examen. Il va sans doute être condamné, c'est pas sûr, mais il y a des chances qu'il soit condamné. Donc, ce qui évidemment rend son élection d'autant plus problématique. Hein. C'est quand même très, très problématique qu'on ait élu un président qui a été mis en cause par la justice. Mais en fait, il n'y avait pas de solution de repli hors du consensus. C'est-à-dire Castelin voulait garder Lamel et Martine Aubry ne lui a guère opposé de résistance. Hein, vous avez lu comme moi dans la presse qu'elle a négocié pour Lille contre son soutien à Castelin un certain nombre de subsides. Donc on est toujours dans la logique du troc et de la tractation. Un municipaliste, comme l'a très très bien montré Fabien Desage. Et donc là, on est dans une situation où effectivement, il y a eu une opposition. Alors, cette opposition, elle est venue de Rudy Algest, donc le maire de Mont-Saint-Barœul, et elle est venue aussi, il y a eu une candidature de Pauline Ségard, Pauline Ségard qui est en fait, qui était la tête de liste écolo à Villeneuve-d'Ascq. Alors, les écologistes, très clairement, hein, sont une des rares forces politiques, j'ai dit tout à l'heure, avec France Insoumise, à dénoncer en fait l'intercommunalité et son scandale, le fait que ça soit scandaleux sur le plan démocratique. Et donc, il y a eu une opposition. Alors, Rudy Algest, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il a été soutenu par le maire de Tourcoing et le maire de Roubaix, alors que d'habitude, il était plutôt proche du PS. Donc, vous voyez, en fait, hein, tout ça n'est pas très, très ragoûtant, et un peu dégoûtant même. C'est des petites magouilles, des petites turpitudes au niveau de la Lamel qui sont, en fait, pas du tout des logiques idéologiques, mais c'est des logiques de marchandage politique. Donc, je dirais, vous voyez, c'est terrible de dire ça, mais heureusement que les citoyens, d'un certain point de vue, ne sont pas très au courant de tout ça, parce que tout cela, en fait, donne une image absolument déplorable de la classe politique. Et on peut se dire que ça fait encore, évidemment, plus le jeu des extrêmes et de l'extrême droite. Voilà. Donc, c'est vraiment l'intercommunalité, c'est vivons heureux, vivons cachés. On fait nos petites turpitudes dans notre coin et malheureusement, tout ça ne donne pas une image très, très noble, c'est le moins qu'on puisse dire, de la politique. Oui, alors, et si j'en rajoute une louche, la presse n'est pas non plus, est plutôt complice dans cette affaire, on a l'impression, non? Ben, la presse, en fait, elle parle très très peu de Lamelle. Alors, je ne sais pas si elle est enfin, de fait, du coup, Complice, c'est peut-être excessif, je reconnais. disons que, alors, la Voix du Nord a un petit peu plus parlé de l'intercommunalité cette fois-ci, mais en fait, je pense que la Voix du Nord se dit que toutes ces questions-là, et je pense qu'ils ont tort, n'intéressent pas les citoyens parce qu'elles sont trop compliquées, et elle a tendance, la Voix du Nord, à continuer à n'accorder d'importance qu'aux communes, en fait. Et qu'aux communes, parce que c'est son électorat assez âgé est essentiellement intéressé par en fait, des problématiques communales, la vie locale, etc. Et donc, du coup, effectivement, on peut dire que la presse locale n'est pas à la hauteur des enjeux. Elle devrait inciter les candidats à beaucoup plus parler d'intercommunalité qu'elle le fait aujourd'hui. Donc, elle en parle trop peu. Je reviens aussi sur cette élection de la présidence, une seconde. J'ai quand même noté que Rudi Elgeste, dans son discours, a proposé quelque chose de tout à fait nouveau, à mon avis, mais tu vas peut-être me corriger, sur le fait qu'il proposait qu'on réfléchisse pendant 100 jours pour proposer un programme de la durée du mandat, ce dont n'a pas voulu évidemment Castelin. Et il me semble bien que cette proposition, elle était dans les papiers de Mediacité, non? Oui, alors, c'est vrai, alors, en fait, bon, mais c'est un peu plus compliqué que ça, en fait, parce que, en fait, l'idéal, on est bien d'accord, ça serait qu'on discute de l'intercommunalité, pas après l'élection, mais avant, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait, en fait, que, concrètement, les partis politiques, puisqu'il y a quand même des partis politiques qui investissent des candidats, ils disent, voilà, si on est majoritaire à l'intercommunalité, on va faire ça. Bon, ce qui ne s'est pas fait, puisque je le répète, seule la France insoumise et les Verts ont déposé un programme avant l'élection. Alors, c'est vrai que Rudi Algeste a proposé de faire un programme tout de suite après. Alors, c'est mieux, effectivement, c'est intéressant dans le cadre existant, mais il propose de faire ça parce que pour éviter qu'il y ait trop de tractations entre les municipalités pendant tout le mandat et que les gens soient. En fait, on donne un projet, qu'on définisse un projet et qu'ensuite on réponde aux orientations. Moi, j'ajouterais que ce qu'il faudrait aussi, c'est que pendant 100 jours, on concerte la population. Hein, c'est-à-dire qu'on demande à la population qu'on fasse de la vraie démocratie participative et qu'on ne fasse pas simplement ce programme dans les coulisses de Lamel, mais qu'on le fasse de manière publique devant les citoyens en les interpellant, en leur demandant ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils souhaitent pour l'intercommunalité. Une convention citoyenne, en quelque sorte. Ça pourrait être une convention citoyenne, ça pourrait être. Il y a plein de techniques de démocratie participative qui pourraient être tout à fait intéressantes et qui pourraient contraindre les élus à prendre en compte en fait les avis des citoyens. Je le répète, hein, les avis concrètement, Lamel, c'est par exemple les transports publics. Hein, c'est le trafic de la voiture, c'est les champs captants pour l'eau. Donc, c'est des enjeux absolument majeurs dans le cadre de la transition écologique. Oui, je pense que, effectivement, je suis d'accord avec ça, puisque il semblerait aussi que, de toute façon, les questions d'environnement et les questions écologiques se traitent plutôt au niveau territoire maintenant. Là-dessus, il n'y a pas, y compris les municipalités d'ailleurs. Je vois que notre copain Liénard, Christopher Liénard, à Fâche-Thumesnil, annonce notre ville est en déficit, je sais plus l'expression, écologique, en crise écologique, pardon. Et ça veut dire que là aussi, les municipalités ont un rôle à jouer. Seulement elles ont un rôle à jouer, mais bon, ça c'était un des côtés peut-être un peu, enfin, un des rares points très positifs des dernières élections municipales, parce qu'il ne faut pas être complètement pessimiste non plus, hein, c'est qu'on a pour la première fois parler d'écologie dans pas mal de villes lors de ces élections municipales. Hein. Oui. On a même vu d'ailleurs pas mal de greenwashing, hein, c'est très clair. Hein, quand on regarde par exemple Colomb à Lyon ou Florian à Bordeaux, des maires de droite sortants, hein, qui en fait apparaissaient comme plus écolo que moi tu meurs. Bon, donc ils ont joué la carte de l'écologie, mais on a beaucoup parlé d'écologie quand même lors des dernières élections municipales. Et il est évident hein, que les collectivités locales sont une partie de la réponse à la transition, à la lutte contre le réchauffement climatique, hein, parce que évidemment, c'est par exemple les politiques de stationnement, les politiques de circulation, c'est les transports, c'est aussi les parcs, etc. Et donc, le rejet de l'artificialisation des sols, des politiques de végétalisation généralisées dans les cours de récréation, etc. Et donc, les communes ont un rôle très politique à jouer dans la transition. Bon, on peut espérer, mais on peut toujours rêver, qu'en gros, le virage un peu écolo d'un pas mal de maires sortants sera suivi d'effet. On peut l'espérer. Oui, effectivement. Donc, gardons un brin d'optimisme et de provocation. Effectivement, les listes citoyennes, les quelques 400 listes citoyennes, ont été sur ces terrains-là en particulier, avec la démocratie en plus. Je crois qu'ils se sont quand même affrontés avec les questions de transparence. Oui, alors ça, c'est effectivement une autre dimension tout à fait positive de ces élections municipales, c'est le développement des listes citoyennes. Alors parfois, attention, hein, des listes citoyennes qui étaient des fausses listes citoyennes, hein, c'est-à-dire que derrière, il y avait des partis politiques qui essayaient de se cacher en mettant des citoyens et en gommant les sigles des partis politiques qui sont très très décriés aujourd'hui. Donc effectivement, ce qui est assez intéressant, moi ça m'a beaucoup intéressé parce que moi j'ai fait ma thèse sur le socialisme municipal, donc je suis très intéressé par le municipalisme, c'est qu'en fait on a eu un retour des idées municipalistes, c'est-à-dire l'idée que en politique il faut d'abord agir au plus près. Dans son territoire, et il faut et que finalement l'action municipale, c'est l'action concrète qui peut changer au quotidien les choses si on la politise. On te laisse la phrase de conclusion alors. Alors, bah écoutez, moi je veux juste dire que ce qui m'inquiète beaucoup dans ce qui s'est passé aux dernières élections municipales, c'est le fait que les maires aujourd'hui, dans la plupart des villes, ont été élus par à peu près, en moyenne, 25% des inscrits en moyenne, et parfois beaucoup moins. Hein. Quand on regarde, par exemple, à Tourcoing, Gérald Darmanin, il a été élu avec 13% à peu près des voix des inscrits. Et donc ça, c'est très inquiétant, parce que c'est toute la légitimité de la démocratie locale était déjà faible. Et là, concrètement, cette mal-élection, et moi, j'ai publié une tribune dans Libération en parlant de forfaiture démocratique, hein, il aurait fallu annuler ces élections municipales, évidemment, affaiblissent encore un peu plus la démocratie locale. Donc moi, ce que j'espère, c'est que ces maires qui ont été si mal élus aux dernières élections municipales vont faire de la démocratie participative, mais de la vraie, pour vraiment que les décisions qui vont être prises dans les années qui viennent, qui vont être des décisions extrêmement complexes et difficiles, soient prises vraiment avec l'assentiment des citoyens. Entendu. Merci. J'espère que ce sera entendu partout, grâce à Radio Campus. Merci Rémi Lefebvre de nous avoir consacré un certain temps aujourd'hui pour nous expliquer ce dont on avait besoin de savoir. À bientôt. Ils ont repeint les poteaux. Ils ont repeint les poteaux. Avant, ils étaient gris. Et ben maintenant, ils sont gris. Et maintenant, ils sont gris. Ils ont mis des panneaux pour qu'on affiche bien dedans. Avant, on voyait plus les murs. Et ben maintenant, on voit plus les murs ni les panneaux. Ils ont mis des digicodes parce que c'est pas un moulin. Ah, tout le monde rentre libre maintenant. Plus personne ne sort. Ils ont mis de la lumière dans une rue où y'a rien. Ah, et bien y'avait rien. Et ben maintenant, eh ben y'a rien, mais on le voit bien. Eh ben y'a rien, mais on le voit bien. Pour nous apprendre à sourire. Ben, c'est pas ça. Ils ont mis des caméras. Comme ça, ça nous fera des souvenirs. Du genre, et passe à la maison. On va se mater cette vidéo, tu sais, celle où j'attends au feu rouge. Hein, c'est des chouettes souvenirs, ça. Non, c'est pas ça. Enfin, ils ont mis des pauses minutes. Chien fasse caca. Ah, ils savaient pas où chier, les pauvres. Et ben maintenant, eh ben on sait où ils chient pas. Ils ont truffé la place de bacs à fleurs sans fleurs. C'est pour faire des espaces. Mais c'est pas bon, puis c'est pas pratique, puis c'est pas drôle, puis c'est pas convivial, c'est pas convivial, c'est pas convivial, c'est pas convivial, c'est pas convivial, c'est pas convivial, c'est pas convivial, c'est pas convivial, c'est pas convivial, mais c'est citoyen. Sont virés les Roumains, sont virés les Roumains. Ah, il y avait des Roumains. Et ben maintenant, il y a les Roumains un petit peu plus loin. Je suis allé voir plus loin. Je suis allé voir plus loin. Ils ont repeint les poteaux. Et maintenant, hein? Et c'était Erwan Pinard, comment? Centre-ville. Et maintenant, on passe aux actualités d'attaque. Comment? René, vas-y, va. Oui. Donc, eh bien, maintenant, ce sont les activités d'attaque. Alors tout d'abord au plan national, vers une première victoire contre l'accord Union européenne-Mercosur. C'est un communiqué de presse du collectif national Stop CETA Mercosur. Donc lundi 9 novembre, les ministres du commerce des pays de l'Union européenne devaient enclencher le processus de ratification de l'accord de libéralisation du commerce entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, Brésil, Argentine, etc. Cela ne sera pas le cas, aucun vote n'aura lieu en raison de trop vives oppositions exprimées dans de nombreux pays. C'est une première victoire qui en appelle d'autres. Et vous pouvez toujours signer l'appel sur le site d'Attaque France. Emmanuel Macron a abandonné l'accord UE-Mercosur qui a déjà recueilli près de 100 000 signatures. Oui, en effet, hein, c'est dramatique pour encore une fois pour les éleveurs de bovins en France, hein, cet accord. Et pour la forêt amazonienne. Et pour la forêt amazonienne, effectivement, on en parlait pas. Tu as raison. Stopper l'extension d'Amazon, bah oui, quand même. Il y a une campagne qui est menée par Attaque France, les Amis de la Terre, il y a NVCOP21. Avec le confinement, nombre de gens sont restés chez eux. Ils commandent de la nourriture, des vêtements, des produits électroniques. Et puis, tout ce que vous voulez sur Amazon, évidemment. Jeff Bezos fait fortune, on l'a vu, il explose ses bénéfices, et tant pis si ça se fait au prix des salariés contaminés par le Covid, parce qu'en plus de faire fortune en vendant, il exploite de façon honteuse les salariés de son entreprise, dans des conditions difficiles que nous avons déjà dénoncées à Attaque. Donc la discussion sur la loi Convention citoyenne pour le climat vont bientôt débuter à l'Assemblée nationale. Ce sera le dernier temps législatif que nous aurons pour stopper tous les projets d'Amazon en cours et à venir d'ici la fin du mandat. Attaque, les Amis de la Terre et encore une fois NVCOP21 ont prévu d'organiser plusieurs temps forts de mobilisation. En premier lieu, deux campagnes de communication citoyenne de grande ampleur, ensemble démasquons Amazon et les profiteurs de la crise, et d'autre part, stoppons Amazon avant qu'il ne soit trop tard, avec notamment des visuels à destination des commerces indépendants. Également sur la campagne d'interpellation, hashtag Stop Amazon, interpellez les députés, cet outil est disponible sur le site d'Attaque France. Bien. Maintenant, contre la loi sécurité globale, défendons la liberté de manifester. Les articles 21, 22 et 24 de la loi permettront l'utilisation de caméras par les forces de l'ordre, la surveillance par drone et la reconnaissance faciale. Mais interdiction pour la population et journalistes de diffuser des images de fonctionnaires de police ou de militaires ou de gendarmes. Cette surveillance généralisée de l'espace public est une atteinte au respect du droit à la vie privée et à la liberté d'expression et de manifestation. De plus, l'article 24 aura pour effet d'accroître le sentiment d'impunité des policiers et de multiplier les violences commises illégalement contre les manifestantes et les manifestants. De nombreuses organisations, dont Attaque, appellent les parlementaires à s'opposer à ces trois dispositions qui réduisent la liberté fondamentale de manifester dans le seul but de faire taire la population et de mieux la surveiller. Et je signale donc qu'une cyberaction a été lancée sur le site Cyberacteur, et également une pétition est en ligne sur change.org.fr qui a déjà récolté plus de 500 000 signatures. Oui, je crois qu'il n'y a pas qu'Attaque, hein, effectivement, qui s'en prend à cette politique, ce choix, encore une fois, de renforcer la sécurité dans un esprit vraiment sécuritaire. Il faut se battre contre ça et il faut essayer d'y arriver. Les négociations pour un traité ONU sur les multinationales et les droits humains, les maires de France appellent à mettre fin à l'impunité. Et ça, c'est nouveau et ça fait plaisir. Lundi 26 octobre 2020, s'est tenue à Genève la sixième session de négociation d'un traité contraignant les multinationales à respecter les droits humains et l'environnement. Pour rappel, Attaque France était membre de la coalition française. Alors que l'Union européenne a joué la montre et que la France est restée muette pour le moment, 22 maires français, dont Madame Aubry, maire de Lille, appellent le gouvernement et l'Union européenne à s'engager activement dans ce processus de négociation afin d'atténuer les conséquences injustes d'une mondialisation non régulée. Leur signature s'ajoute à celle de centaines de parlementaires à travers le monde qui soutiennent l'élaboration de ce traité. Espérons que ça marche bien cette affaire. Oui. Au plan local, René. Alors, au plan local, eh bien, il y a notre lettre ouverte aux élus de la Melle. Dans le cadre de l'appel contre la réintoxication du monde du 17 novembre, qui faisait suite, je le rappelle, à celui du 17 juin. Le reconfinement ne permettant pas, ou très difficilement, d'organiser une action en extérieur, nous avons eu l'idée d'éditer une lettre ouverte destinée aux élus de la Melle. Cette lettre ouverte, transmise à la presse et diffusée sur les réseaux sociaux, fait part de notre opposition au projet d'urbanisme prévu à Lille, comme la Friche Saint-Sauveur, le Forum Agora, le Palais de Justice de la Plaine sur Chille, etc. Et au niveau de la métropole, l'extension de l'aéroport de l'Équin. Nous rappelons que la situation environnementale n'est guère brillante au niveau de la métropole, pollution de l'air, manque d'espace vert, artificialisation des sols, stress hydrique, etc. Et que face aux enjeux actuels, la crise écologique et climatique, ces projets doivent être abandonnés au profit d'orientations à la fois compatibles avec les accords de Paris de 2015 et prenant compte des difficultés sociales d'une partie de la population de la métropole. Autrement dit, s'attaquer à l'urgence écologique et sociale comme le préconise la Convention citoyenne pour le climat. Oui, en effet, c'est effectivement le fait de parler de ces investissements qui veulent être faits à la friche Saint-Sauveur et puis l'aéroport, c'est vraiment empêcher la désintoxication du monde avec l'artificialisation des sols en plus. Voilà, aujourd'hui donc notre émission est terminée. Nous aurons le plaisir de nous entendre, nous comme tout le monde, samedi 21 à midi. On enregistrait lundi 15 novembre, effectivement. 16 novembre. Oui, 16 novembre, pardon, 16 novembre, merci René de corriger. Voilà, on se verra donc, on se verra pas, mais on s'entendra donc fin décembre, le 21 novembre, mais je peux me tromper sur la date. C'est une grande pratique chez moi, sur des questions de surpopulation de la planète. Bon week-end à tous et à bientôt et restez fidèles à Radio Campus. C'est ce qu'il y a de mieux en ce moment et pour longtemps. Eines Morgens in aller Frühe. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Partisanen, kommt, nehmt mich mit euch. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Partisanen, kommt, nehmt mich mit euch, denn ich will, der Tod ist nah. Partisanen, kommt, nehmt mich mit euch, denn ich will, der Tod ist nah. Wenn ich sterbe, oh ihr Genossen, oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Wenn ich sterbe, oh ihr Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. Wenn ich sterbe, oh ihr Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. In den Schatten der kleinen Blume. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eine kleine, ganz alte Blume in die Berge bringt mich dann. Eine kleine, ganz alte Blume in die Berge bringt mich dann. Und die Leute, die gehen vorüber. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Und die Leute, die gehen vorüber, sehen die kleine Blume stehen. Und die Leute, die gehen vorüber, sehen die kleine Blume stehen. Diese Blume, so sagen alle. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit starb. Ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit starb.